Voilà la chèvre. Elle a 7 petits. Aujourd'hui, la chèvre, elle va aller au marché pour acheter des légumes. Ses petits, ils restent à la maison tout seuls. Ils ne doivent pas ouvrir la porte au loup. La chèvre, elle explique à ses petits que le loup, il est marron et qu'il a une grosse voix. Alors les petits, ils promettent de faire attention. Mais les petits, ils n'arrivent pas à rester tranquilles après le départ de leur mère. Alors, ils vont jouer dans la salle de bain. Ils prennent un bain. Ils se mouillent dans une grande cuvette. Ils se frottent avec du savon. Ils se nettoient bien partout avec une brosse. Ils sont tout propres, les petits. Et puis, c'est rigolo de jouer avec l'eau. Il y en a un qui essuie les vitres de la salle de bain. Et il y en a un autre qui donne un coup de balai. Voilà le loup! Il frappe à la porte. Toc, toc, toc! C'est maman, mes chéris! Mais le loup, il a une grosse voix. Alors les petits, ils n'ouvrent pas. Alors le loup, il mange du miel pour avoir une voix douce comme la chèvre. Et puis il va à la maison de la chèvre une deuxième fois. Le loup, il sonne à la porte. C'est maman, mes chéris. Maintenant, il a une voix douce, le loup. Mais sa patte, elle est marron. Alors, les petits, ils n'ouvrent pas. Le loup, il a une idée. Il va à la boulangerie et il achète de la farine au boulanger. Et puis, il met sa patte dans la farine pour avoir une pâte toute blanche comme la chèvre. Après, il va à la maison de la chèvre encore une fois. Le loup, il montre sa patte toute blanche. Les petits, ils croient que c'est la patte de la chèvre. Alors, ils ouvrent la porte. Mais c'est pas leur mère qui entre dans la maison. C'est le loup. Le loup, il veut les manger. Alors, les petits, ils courent pour qu'il ne les attrape pas, le loup. Il y a un petit qui se cache sous le lavabo. Il y en a un autre qui se cache derrière le poêle. Et puis un autre qui se couche sous un matelas. Et il y a aussi un petit qui se cache dans l'horloge. Ils vont tous se cacher. Mais le loup, il a trouvé 6 petits et il les a mangés. Maintenant, il se repose au soleil, le loup. Voilà la chèvre qui revient. Oh là là! Quel bazar dans sa maison! Et ses petits, ils ne sont plus là! Tiens! Il y a du bruit dans l'horloge. Oh! C'est le plus jeune qui s'est caché ici. Et voilà, il sort de l'horloge. Le petit de la chèvre, il raconte tout à sa mère. La chèvre, elle dit que c'est de sa faute à elle. Le loup, il est venu parce qu'elle était au marché. Alors elle pleure beaucoup la chèvre. Et maintenant, la chèvre, elle veut tuer le loup. Voilà le loup qui dort dans l'herbe, mais son ventre, il bouge. C'est peut-être les petits qui remuent dedans. Alors, vite, vite, la chèvre, elle attache le loup et elle découpe le ventre du loup pour faire sortir ses petits. Ça y est, ils sont sortis. La chèvre, elle leur fait un gros câlin.